À l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête nationale suprême, les organisations et les formations de l'Association générale des Coréens au Japon ont offert les messages de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Ce sont les formations centrales de l'Association générale des Coréens résidente au Japon et ses organisations affiliées, notamment le Conseil permanent de l'Association des commerçants et industriels coréens, le Présidium du Comité central de l'Union de la jeunesse coréenne, le Présidium du Comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes et le Conseil permanent du Comité central de l'Association des jeunes commerçants et industriels des Coréens au Japon, les entreprises comme le journal Joseon Shimbo, le service de l'information de Corée, la troupe d'opéra Kumgangsan, les directions locales de l'Association générale des Coréens au Japon, l'université coréenne et les écoles coréennes de tout échelon au Japon. Les messages ont exprimé le respect le plus sublime au général Kim Jong-il, qui a assuré le brillant avenir de la grande puissance Paektusan, et ont adressé la gloire suprême au dirigeant suprême Kim Jong-un, qui va d'une étape d'épanouissement de la révolution à une autre de pleine prospérité, et qui applique les recommandations du général pour que son vœu devienne la réalité. Ils ont exalté que le général Kim Jong-il est le patriote sans égal qui a créé l'histoire d'invincibilité de l'œuvre du Jeté, œuvre révolutionnaire de Sun-gun, et jeté la base éternelle pour la prospérité de la nation. Ils ont souligné qu'ils continueront toujours l'histoire de l'affection et des liens de sang entre le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il et les Coréens au Japon, et qu'ils feront preuve de la fidélité et de l'ardent patriotisme pour manifester le prestige de l'Association générale des Coréens au Japon pour la patrie toujours victorieuse sous la direction du maréchal. Finalement, ils ont souhaité santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de l'œuvre révolutionnaire du Jeté et drapeau de la victoire de l'Association générale des Coréens au Japon et du mouvement des Coréens au Japon pour la prospérité de la patrie et le bonheur des Coréens au Japon.